8.26, activation, dictée. Écoutez et écrivez. Vous entendrez le texte deux fois. Votre mari est mort. Ah oui, il est mort des suites de la guerre de 14. Votre mari est mort. Ah oui, il est mort des suites de la guerre de 14.